Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le Libre Journal de la Résistance française, dirigé aujourd'hui par Martin Pelletier, diffusé en direct mercredi 7 décembre 2016 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé jeudi 8 dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en nous écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Rebonsoir, Martin Pelletier dans la deuxième partie de ce Libre Journal de la Liberté Surveillée avec Jérôme Bourbon. Nous commentons l'actualité, en particulier donc cette défaite de la droite populiste autrichienne du FPÖ, Höfer, devant l'indépendant, il le nommait comme ça, l'indépendant Van der Bellen, qui était un vieux routier de la subversion. Et donc, vous mettiez en lumière, ce qui me semble effectivement un point capital, l'instrumentalisation du malheur de la Seconde Guerre mondiale pour empêcher toute défense humanitaire. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de défendre la nation, puisque, censément, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des massacres de juifs. On se demande vraiment quel est le rapport. C'est quelqu'un qui viendrait de la planète Mars. On se demanderait, mais pourquoi moi, Français ou Autrichien, qui veux défendre la nation contre une invasion manifeste, pourquoi je n'ai pas le droit de le faire? Parce que des juifs sont morts pendant la Seconde mondiale. Bien, tout simplement, nous dira-t-on, parce que toutes les idées qui se réclament de ce qu'on appelle la droite, c'est-à-dire de la tradition, du sol, des droits du premier occupant, du premier arrivé, d'un certain nombre d'éléments de ce type, eh bien, sont considérés comme étant au programme d'un parti qui a été considéré comme criminel contre l'humanité à Nuremberg. Voilà. Et auquel on impute des millions de morts. Donc voilà, si vous voulez, le lien qui est fait. Le lien magique, parce que c'est pas un lien rationnel, c'est ça qu'il faut tout le temps dire, c'est un lien magique, c'est pas un lien rationnel, il n'y a pas de raison. Un mathématicien, un grammairien, un logicien, un physicien, un pêcheur, un cantonnier, ne peut que rire devant un raisonnement de ce type. Mais s'il n'y avait pas... je constate que dans les chaînes d'histoire ou autres, chaque semaine, il y a des documentaires, des films sur le Troisième Reich, Adolf Hitler, le national-socialisme, les fascismes, etc. Et donc le système, c'est ce qu'il fait. Et l'importance que cela prend dans l'éducation nationale, y compris maintenant dès le primaire, dès la classe de CM2, où on a un véritable enseignement, je dirais catéchétique, obligatoire, de ce qu'ils appellent la Shoah, par conséquent, qui est subi tout le long de sa vie avec des pèlerinages, des processions, des anciens déportés qui viennent porter la bonne parole, etc. Donc il y a tout un embrigadement, donc à la fois éducatif, mais également tout au long de la vie, la télévision, le cinéma, Hollywood a beaucoup fait aussi pour cela, hein, bon, et continue à le faire. Et moi je crois que ça fonctionne considérablement auprès non seulement des jeunes générations, mais je pense auprès du public, très certainement. Et je pense que c'est ce qui empêche que des mouvements ayant depuis essentiellement les années 70-80 émergé dans un certain nombre de pays d'Europe avec des positions de bon sens sur le contrôle et l'inversion du flux de l'immigration, sur la volonté de lutter contre la dénatalité, de défendre la famille, les valeurs traditionnelles, ne parviennent pas à obtenir la majorité des suffrages exprimés, ni à l'échelle nationale, ni même souvent à l'échelle régionale ou départementale. Alors, c'est une constatation, effectivement. Alors, passons maintenant, il faut de l'Autriche à l'Italie. Comment Comment regardez-vous l'affaire du référendum constitutionnel perdu par Matteo Renzi, sa démission? D'abord, il faut se réjouir à chaque fois qu'il y a un non à un référendum. Bon, non pas que cela change la face du monde, mais enfin, toute défaite, même temporaire, des hommes et des partis du système, va dans le bon sens et prouve quand même qu'il y a encore quelques réactions populaires de bon sens, que l'anesthésie n'est pas totale. Alors, évidemment, Renzi, comme son prédécesseur, en fait, ce sont directement des hommes qui appliquent en tout point les directives de la Commission de Bruxelles et, je dirais, des banques. Et il faut rappeler quand même que Berlusconi, avec ses qualités et ses défauts, n'a pas été chassé par les Italiens, mais à la suite d'une forme de trahison fomentée au sein de son parti, de ses alliés, par, incontestablement, par les européistes et par la finance. C'est très clair. Bon, parce qu'il ne faut pas oublier que Berlusconi, même si son bilan et critiquable à bien des égards et insuffisant, il y avait quand même des aspects positifs, notamment dans le contrôle de l'immigration, puisqu'il avait passé un accord avec Kadhafi pour éviter justement que l'immigration vienne en masse en Italie. Et je dirais que même sur un certain nombre de points, il avait dit des choses assez positives sur Mussolini. Il y avait quand même une certaine liberté de parole. À son époque, il n'y avait pas de loi antirévisionniste qui est aujourd'hui promulguée et votée, donc appliquée en Italie. Et donc, de ce point de vue-là, je dirais que la disparition de Berlusconi, enfin la disparition pas totale, mais enfin disons qu'il est maintenant en semi-retrait de la vie politique, en retrait forcé, si j'ose dire, il est vrai qu'il est aussi octogénaire aujourd'hui, eh bien, n'a pas été une bonne chose, hein, de ce point de vue-là, puisque ça a amené une forme de centre-gauche. Je dirais, c'est un petit peu comme Proval, c'est un petit peu où c'est cette tradition libérale-libertaire, c'est-à-dire à mon avis la quintessence du pire, où d'une part on applique en tout point une politique européiste ou euro-mondialiste en quelque sorte, et où par ailleurs sur le plan sociétal, comme on dit aujourd'hui, on fait le mariage entre guillemets homosexuel et on vote des lois liberticides relatives à la liberté d'expression, à la recherche historique, etc. Bon, et c'est ce qu'on voit un petit peu de pour la plupart des gouvernements d'Europe aujourd'hui, à l'exception de la Hongrie et dans une certaine mesure de la Pologne, mais sinon pour le reste, on voit très bien que c'est cette politique qui est appliquée, que ce soit d'ailleurs, il faut bien le dire, par des hommes qu'on dit de centre-gauche ou de centre-droit. Au fond, c'est la même politique pour l'essentiel qui est conduite. Voilà. Et voilà. Et donc, d'ailleurs, en France, on va voir un petit peu le match des doublures, puisque Sarkozy, on en reviendra peut-être tout à l'heure, mais Sarkozy et Hollande ont été éliminés, mais on nous propose des doublures. Fillon, qui était le Premier ministre pendant 5 ans de Sarkozy de 2007 à 2012, et Valls, qui était pendant 3 ans le Premier ministre de Hollande, 2014 fin 2016, après avoir été son ministre de l'Intérieur, où il n'a jamais jugulé le crime et la délinquance, mais la seule chose, il a mené un combat à mort contre un humoriste, Dieudonné, parce que finalement c'est ça, hein, sa seule réussite, entre guillemets. Et également voilà. Contre la manif pour tous. Et aussi la manif pour tous. Oui, ce qui est très révélateur, c'est en fait les deux axes essentiels d'ailleurs de Valls, hein, et de pouvoir actuel, c'est-à-dire en quelque sorte appliquer les directives d'un lobby que François Mitterrand, quittant l'Élysée dans une forme de testament politique, avait appelé un lobby puissant et nocif. Et par ailleurs, sur le plan donc dit sociétal, c'est le démantèlement de la morale traditionnelle. Je rappelle d'ailleurs qu'au Parti Socialiste, le premier qui s'est prononcé publiquement dans le journal du dimanche pour le mariage homosexuel, c'est Dominique Strauss-Kahn, hein, ce qui n'est pas un hasard. Il ne faut pas oublier que Valls est un disciple et un proche, historiquement et politiquement, de DSK. Qui est la quintessence du pire, je le répète. Bon. Et donc, d'ailleurs, c'est très compréhensible parce que les social-démocraties européennes, en même temps qu'elles appauvrissent les classes populaires et les classes moyennes, en même temps qu'elles font la politique de ce que Marx aurait appelé le grand capital, eh bien, en même temps, il faut bien qu'elles donnent des gages à leur aile gauche. Et par conséquent, c'est le démantèlement de tout ce qui reste encore de tradition. voilà, et de morale. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a vraiment des textes considérables. Parce que finalement, entre la gauche et la droite de l'hémicycle, la seule chose qui est encore, je dirais, différente, c'est le degré de fanatisme. C'est-à-dire qu'il y a un fanatisme révolutionnaire qui reste quand même pire globalement à gauche qu'à droite. Voilà. C'est-à-dire que je pense que chez les députés socialistes, communistes, verts, il y a une forme de fanatisme beaucoup plus important encore qu'à droite. Et d'ailleurs, on le voit par exemple sur les questions liées à l'avortement. Là, par exemple, vient d'être voté par l'Assemblée nationale. Le Sénat l'a rejeté, ça va revenir au début de l'année prochaine à l'Assemblée nationale, qui, n'en doutons pas, l'adoptera définitivement. Un ahurissant délit d'entrave numérique. Oui, nous en avons à l'IVG. Pas mal parlé ici même il y a deux mois. Et c'est intéressant parce que d'abord, on l'a vu par exemple s'agissant du mariage homosexuel, on a d'abord eu le PACS. À l'époque du PACS, on nous promettait, Elisabeth Guigou, ministre de la Justice à l'époque du gouvernement Jospin, disait « Mais non, ça n'est pas le premier pas vers le mariage homosexuel, ceux qui disent ça sont des menteurs. » On a vu quelques années après que c'était le contraire. Après le mariage homosexuel, on nous a dit « Mais non, on s'arrête là, il n'y aura pas la PMA et la GPA. Hein, » D'ailleurs, toutes ces initiales qui sont là pour cacher des horreurs, hein, PMA, GPA, ça aussi c'est révélateur d'un monde satanique. Bon, on ne dit plus les choses finalement, ce sont des initiales qui, derrière ces initiales... Acronymes. Voilà, des acronymes, exactement, voilà, qui cachent des horreurs. Bon, et bien donc, voilà, on parle de... Il faut se demander qui est à l'origine des acronymes, qui aime les acronymes, oui, c'est très intéressant. Oui, c'est intéressant, oui. Et donc, procréation médicalement assistée, PMA, GPA, gestation pour autrui, on va toujours plus loin, si vous voulez, dans l'horreur. Bon, donc ça c'est pour le pan donc du mariage homosexuel, mais également et même d'ailleurs il faut bien le dire parce que il faut faire l'historique de tout ça. Je veux dire, au nom de la lutte contre le SIDA depuis le milieu des années 80, c'est là où ça a commencé, hein, très très clairement. Depuis 30 ans, il y a un prosélytisme homosexuel et même pornographique, disons, le mot n'est pas excessif, au nom de la lutte contre le SIDA. Alors ça a commencé essentiellement sous Michel Brazac, qui était une détestable ministre de la santé de Jacques Chirac, sous le ministre de la cohabitation. On a commencé à faire de la publicité pour les préservatifs, etc. De près de choses absolument scandaleuses à l'école, y compris auprès d'enfants prépubères, etc. Et des médecins venaient en expliquant toutes les possibilités qu'il y avait sur le plan sexuel et autres, au nom de la lutte contre le sida, et que c'était véritablement une incitation à la débauche tout à fait scandaleuse. Bon, et donc on a commencé par cela, après des publicités, des émissions, le SIDAction, etc. Donc si vous voulez, ça 30 ans, et depuis 30 ans, on va de plus en plus loin. Et donc là, vous avez vu, par exemple, récemment, ces affiches absolument ignobles, insupportables, sur les abribus, un peu partout, où, au nom de la lutte contre le sida, on voit des hommes s'embrasser, avec des slogans, d'ailleurs, d'une vulgarité... Ah, mais je ne les ai pas vus, parce que je n'étais pas là. Mais... Bon, vous y avez échappé, Dieu soit loué, mais voilà. Et ce qui est assez regrettable, d'ailleurs, le mot est faible, c'est que Florian Philippot, toute une série de ses compagnons et mignons au sein du néo-front national, est cru bon d'approuver en tout point cette campagne. Bon, c'est dans le cadre de la rose bleue, peut-être. On y reviendra sur la rose bleue. Bon. Ah, mais oui, non, mais il y a beaucoup. Ils viennent tout de suite. Ah, bah venons-y. Ouais. Venons-y. Mais je voulais simplement dire sur l'avortement, juste deux mots. Je vous réponds. C'est que là aussi, on a eu un démantèlement progressif. Oui. D'abord, la pilule contraceptive, car on sait bien que c'est la mentalité contraceptive qui favorise l'avortement. C'est si vrai que dans tous les pays occidentaux, on a eu d'abord la légalisation de la contraception, puis dans les années qui ont suivi, la légalisation de l'avortement. Et l'avortement, d'abord. On nous le présentait comme en situation de détresse, etc. Puis on l'a présenté comme un droit fondamental. On a supprimé en 2001 l'examen préalable. Puis on a supprimé le délai de réflexion. Ce sont des processus longs sont saucissonnés de façon présentée. Mais voilà. Vous savez, c'est comme ça exactement qu'ont procédé les maçons en 1880-1905, hein, pour arriver... Ah oui, en 30 ans. En 30 ans, ils arrivent à changer complètement par petits bouts. Il faut reprendre les déclarations de chacun, notamment, comment s'appelle-t-il, Valdez-Crousseau, à 10 ans d'intervalle, qui sont complètement, exactement comme celle de Guigou. Mmh. On promet... Alors qu'on sait très bien qu'on ne tiendra pas. C'est comme ça que ça fonctionne. Quoi. C'est comme ça que ça fonctionne. Et on perd comme ça toutes les batailles et on va toujours de plus en plus loin, non seulement dans le renoncement, mais dans l'horreur. Parce que le modéré est idiot et croit à l'adversaire. Et c'est pourquoi il faut se méfier, Drummond le disait à juste titre déjà à son époque, des conservateurs qui, au final, ne conservent rien. Et c'est la raison pour laquelle il est important, surtout sur les questions morales, mais je dirais c'est vrai partout, de ne faire aucune concession. Voilà. Parce que comme pour le divorce, on a eu le divorce au départ qui était très limité, puis le divorce par consentement mutuel, puis on a supprimé le divorce pour faute, et maintenant finalement, divorcer, ça va être aussi facile que prendre un ticket de métro quasiment. Bon, et donc vous me direz que le problème ne se pose plus tellement puisque beaucoup de gens ne se marient plus maintenant, sauf peut-être les homosexuels et encore et les prêtres très peu, bientôt et encore très peu nombreux. Oui, alors ça c'est encore une autre question, mais enfin bon, ce monde est tellement fou si vous voulez qu'on pourrait en prendre. Alors la rose bleue. Alors la rose bleue. Rose bleue. Bon, moi je dois dire que depuis que moi j'ai l'honneur de diriger Rayderol en 2010, d'aucuns m'ont parfois reproché, sincèrement, moi j'ai pris des positions constamment anti-mariniste, non pas par haine personnelle à l'égard de cette personne que je ne connais pas personnellement, si ce n'est par le truchement de la télévision ou de la radio, mais tout simplement parce que je constatais qu'elle n'avait pas, si elle a hérité le bagout de son père, en revanche elle n'avait pas les qualités politiques, intellectuelles, morales, ni la solidité qu'avait Jean-Marie Le Pen, sur le plan du courage intellectuel, sur le plan aussi bien sûr de la culture, politique et historique, sur le plan aussi de la convivialité humaine, ce qui est important aussi, parce que je pense qu'un homme politique, il y a les convictions, mais il y a aussi la personnalité qui compte, et on ne peut pas traiter tous les gens de manière hautaine et méprisante, ça ne fonctionne pas. Il faut savoir rassembler son camp. D'ailleurs, je veux dire que Fillon, par exemple, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, qui l'a trahi, d'ailleurs, paraît-il qu'il disait en privé Valérie traîtresse, il est allé la voir, ils ont déjeuné ensemble, ils se sont réconciliés, il y a sûrement des arrière-pensées, mais il a l'habileté de rassembler son camp. Dans son équipe de campagne, il prend des anciens sarkozystes, il prend des gens ayant voté pour Juppé ou ayant soutenu Juppé. Voilà, c'est de l'intelligence politique et stratégique. De la même manière, Manuel Valls, qui est candidat aux primaires de la gauche, il a souvent attaqué l'autre gauche. Là, il se présente en candidat de la conciliation, de la réconciliation. Il a réussi à obtenir des Hollandais, des Aubristes qui ne l'aimaient pas. Voilà, ça c'est l'intelligence politique. Bon, or, il est évident que ce n'est pas ce qui est fait actuellement au Front National, puisqu'aussi bien, à chaque fois qu'il y a des alliés naturels, que ce soit Ménard, on le traite de haut, le ciel, qui était un petit mouvement qu'il soutenait, on les traite de cinglés, je cite, hein, c'est dans la presse. Hein. La guerre contre Jean-Marie Le Pen, j'y reviendrai, là où on fait appel, on l'humilie inutilement, et même contre Marion Maréchal, qu'on recadre sévèrement sur l'avortement et de manière extrêmement discourtoise. Bon, ça n'est pas comme ça qu'on peut gagner une bataille. Bon, mais au-delà, je dirais, de cette dimension psychologique ou psychanalytique, si vous voulez, je crois quand même que sur le plan politique, on assiste quand même à ce qu'il faut bien appeler, le mot est faible, des dérives politiques, programmatiques, qui sont tout à fait considérables et dont il serait, me semble-t-il, insuffisant de considérer que c'est Philippot qui en est le seul unique responsable. D'abord parce que ce n'est pas lui qui préside et dirige le mouvement, c'est quand même Marine Le Pen, et que Philippot n'est pas la cause, mais les faits. C'est parce que Marine Le Pen est fondamentalement bobo, c'est une bobo, hein, c'est une libérale libertaire. D'ailleurs, tous les gens qui la connaissent, au Front National, qui l'ont connue, c'est pas une femme de droite. Hein. Quand Henri de Lesquin dit que c'est une femme de gauche, ça n'est pas de la polémique politique. C'est un constat qu'il est facile de faire. Et d'ailleurs, c'est si vrai que bien avant que Florian Philippot n'adhère au Front National et n'y occupe la fonction prépondérante qu'il y a aujourd'hui, il y a eu des débats au sein du Front National, ou plus exactement des purges, dans les années qui ont précédé l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir, à cause, justement, parce que beaucoup de militants et de cadres historiques étaient sincèrement troublés par ses positions déjà sur l'avortement. Je rappelle d'ailleurs que sa première position en 2002, c'était de dire qu'elle n'était pas d'accord avec le programme du Front National, qui à l'époque était pour la suppression de la loi Veil. Bon, donc il y a eu ça, donc ses propos, le fait qu'elle s'est pris violemment à Gollnisch en 2004 à la suite des propos qu'il avait eus relatifs aux chambres à gaz, mais plus généralement sur toute une série de sujets sur la question de l'immigration, sur beaucoup de sujets, elle a été amenée bien souvent à prendre des positions tout à fait en rupture, ou en tous les cas en forte atténuation à l'égard du programme historique du Front National, ce qui a suscité le départ d'un certain nombre de gens, y compris de militants historiques comme Roger Olyndre, comme Karl Lang, comme Jacques Bompard, comme Bernard Anthony, comme tant d'autres, de sensibilités d'ailleurs parfois différentes sur certains points, mais qui quand même rejetaient ce politiquement correct et cette volonté en quelque sorte de passer par perte et profit, ce qu'on pourrait appeler les fondamentaux du mouvement national en France. Bien. Et donc finalement, moi je ne suis pas du tout étonné de ce qui arrive. On constate le démantèlement pan après pan du programme. Alors la rose bleue, il faut expliquer ce que c'est et ce que ça signifie. Bon, d'abord, la rose bleue, je dois dire personnellement, d'un point de vue iconographique, si j'ose dire, quand je pense que quelqu'un a dû être payé cher pour trouver cela, c'est assez affligeant parce qu'on dirait une ventouse pour déboucher les toilettes. Bon, donc déjà, je trouve que ça n'est pas forcément très heureux, puisqu'elle est en position horizontale en plus. Bon, mais par ailleurs, le symbole me paraît quand même très inquiétant parce que on veut mêler, ça n'est pas ni droite ni gauche, cette fois-ci, c'est et la gauche et la droite, puisqu'on veut mêler la rose, qui est donc le symbole du Parti Socialiste. Hein, on se rappelle en 81, Mitterrand au Panthéon. crayon avec la rose rouge, et d'autre part le bleu qui est la couleur de la droite modérée, parlementaire, régimiste. Voilà. Donc on veut mêler en quelque sorte les deux, mais finalement quand on regarde bien, c'est quand même beaucoup plus la rose que le bleu quand même, hein, y compris dans les propositions économiques, puisque on a affaire à un discours mélenchonien de hausse de la pression fiscale, un discours, bon, parce que sur François Fillon il y a des critiques à faire, on y viendra, mais disons tenir le discours cégétiste de défense sans aucune nuance des fonctionnaires, du nombre de fonctionnaires, de bon des services publics à la française, il y a quand même beaucoup à dire là-dessus, quoi. Bon, il me semble je crois qu'on pourrait quand même avoir des positions quand même, sans être libéral ou ultralibéral, il me semble qu'on pourrait avoir des positions quand même plus intelligentes et plus nuancées là-dessus que les positions démagogiques sur la retraite à 60 ans, les 35 heures. De toute façon, si le Front National tient ce discours-là, la gauche et l'extrême gauche seront toujours beaucoup plus crédibles et iront toujours plus loin qu'elle. Un Mélenchon sera toujours plus crédible qu'une Marine Le Pen pour défendre les 35 heures, la retraite à 60 ans, les services publics, etc. Donc je veux dire, ça n'est pas. En plus, ça n'est pas intelligent, si vous voulez. Bon. Et c'est très discutable. Et puis, surtout, bon, une chose, c'est que la rose bleue élimine une couleur qu'il y avait dans la flamme du Front National, c'est le blanc. Bleu, blanc, rouge était beaucoup plus, me semble-t-il, rassembleur qu'une rose bleue. On est en pleine réduction. Mais on ne peut pas, si vous voulez, s'inscrire dans une tradition lorsque on élimine déjà le père fondateur, quoi. C'est-à-dire qu'on s'en prend à ses racines. Et au-delà du père fondateur, c'est toute une série de cadres, de militants historiques qui ont été éliminés de façon quand même très brutale. Bon, ça, c'est un fait. Et c'est pas simplement par caprice, c'est parce que ça correspond à des positions politiques qui sont radicalement différentes. Il y a un changement, il y a eu une révolution interne qui n'a pas toujours été comprise ou acceptée par les gens parce que le nom pour le moment reste le même. Mais c'est comme si vous aviez une bouteille de vin, l'étiquette reste la même, mais le contenu n'est plus le même. Hein, là où on avait un bon Châteauneuf du pape, on a de la piquette maintenant. Hein, et je dirais de la piquette rose, puisque vu le nombre d'homosexuels notoires, et qui ne s'en cachent pas d'ailleurs, qu'il y a dans ce mouvement, qui est devenu une cage aux folles, bon, bah, il est évident qu'on n'est pas étonné du résultat. Alors moi je dois dire que c'est extrêmement décevant tout cela, mais vous savez, Bossuet le disait déjà à son époque, il n'y a pas pire dérèglement de l'esprit que de ne pas voir les choses telles qu'elles sont, mais telles qu'on voudrait qu'elles soient. Donc bon, bah, y a une réalité objective qui est dramatique, parce que quand on voit ce qui se passe avec Trump aux États-Unis, il y avait quand même une ouverture qui était considérable. Et d'ailleurs, on voit à l'heure actuelle que François Fillon est en train de, semble-t-il, alors je ne sais pas si ça ira jusqu'au bout, hein, il y a encore 4 mois et demi de campagne, mais on a le sentiment qu'il pourrait réussir ce qu'avait accompli Sarkozy en 2007, c'est-à-dire siphonner l'électorat frontiste, d'autant plus disponible qu'il est déboussolé, au moins d'une partie d'entre lui, en tout cas, par des positions quand même gauchistes sur les plan économique et même sur le plan sociétal. Puisque quand même, rappelons-nous les propos de Sophie Montel sur le droit à l'avortement, approuvé explicitement par Marine Le Pen. Maintenant, je rappelle quand même la polémique qu'il y a eu. Marion Maréchal Le Pen avait dit qu'il faudrait quand même revenir sur le remboursement illimité de l'avortement. Je rappelle quand même que depuis cette année, l'avortement est remboursé à 100%, non pas même simplement l'acte en lui-même, mais même tout ce qui l'accompagne, les échographies, les examens, etc., à 100%. Hein, ce qui est quand même... Ce qui coûte très cher et puis qui est quand même une infamie. Bon. Et donc elle avait dit qu'il faudrait quand même au moins... Voilà, elle remettait même pas en cause le droit à l'avortement. Hein. D'ailleurs, à l'heure actuelle, il n'y a aucun bulletin de vote disponible qui permette de remettre en question le droit à l'avortement. Ça aussi, c'est quand même très révélateur de ce qu'est la démocratie, de ce qu'elle permet. Bon, fermons la parenthèse. Mais en tout cas, elle disait quand même au moins il faut dérembourser l'avortement. Bon, bien. Et donc, tout de suite, elle a été recadrée par Marine Le Pen et Philippot en disant c'est une position isolée, c'est pas la position du Front National. Nous, on maintiendra le périmètre, l'accès et le remboursement intégral de l'avortement tel qu'il existe aujourd'hui. Bon, voilà. Donc, au moins, elles sont des positions qui ont le mérite de la clarté, mais qui sont vraiment à 180 degrés de ce qu'étaient les programmes historiques du Front National. J'ai chez moi d'ailleurs les livres programmatiques du Front National des années 70 au début des années 2000, et où à chaque fois il y avait la suppression de la législation actuelle sur l'avortement. Ce qui d'ailleurs est logique lorsqu'on est un mouvement qui est censé défendre la patrie, la France, donc forcément la natalité, la nation, il y a naître dans la nation. Voilà, il y a naître. Et donc c'est quand même absolument affligeant. Et dans Patrie, il y a père. Sans compter qu'au-delà de la question morale, qui est évidemment essentielle, la suppression d'un être humain innocent, il y a quand même le fait qu'on sait très bien que cela crée, pour les femmes qui avortent, des processus souvent de dépression, ce qui est d'ailleurs assez logique, vu la gravité de l'acte accompli, et d'autre part, on a fait des articles de Rivarol, il y a eu des enquêtes scientifiques qui ont montré même que ça augmentait considérablement les risques de cancer du sein, puisque le corps se prépare lorsqu'il y a une grossesse, à l'allaitement, toute une série de modifications hormonales. Et il est évident que lorsque c'est stoppé net, ce qui est différent d'une fausse couche qui là est naturelle, mais lorsque c'est stoppé net de manière volontaire, de manière délibérée, par un acte brutal, forcément ça a des conséquences sur le corps. Et ça a évidemment des conséquences sur le psychisme. Bon, et donc il est évident qu'une société qui banalise, qui favorise cela, qui le rembourse comme un rhume, et même plus qu'un rhume, qui lui n'est pas remboursé bien, à 100%, du tout. Tant s'en faut même, eh bien c'est une société qui est mortifère. Et qui, voilà. Donc qu'un mouvement sur ce plan en soit là, c'est quand même assez dramatique. Alors, cela s'ajoute au fait que Jean-Marie Le Pen, qui a eu la chance de qu'il soit venu il y a peu de temps ici, vous savez, il avait gagné son procès le 17 novembre sur la question de la présidence d'honneur. C'est-à-dire que, donc, je le dis un petit peu pour les auditeurs qui ignorent cela, lorsque Jean-Marie Le Pen a cédé sa place à sa fille. D'ailleurs, soyons en passant, c'était une succession absolument catastrophique. Hein. On en voit, je crois, les conséquences. Je l'ai dit, je l'ai redit, je le redis encore, parce que j'ai l'habitude de dire ce que je pense, même si je ne fais pas que des amis, c'est un désastre. Bon, voilà. Et on ne fera rien avec Marine Le Pen. Que les choses soient claires. Avec ou sans Philippot, on ne fera rien avec Marine Le Pen. Bon, voilà. Mais, donc, ce que je veux dire fondamentalement, c'est que donc, au moment de la succession, en janvier 2011, du congrès de Tours, le congrès, à l'unanimité, a voté la présidence d'honneur, qui n'était pas simplement, contrairement à ce qu'on lit ici ou là, un titre honorifique, mais qui avait un certain nombre de prérogatives qui faisaient que Jean-Marie Le Pen pouvait et peut participer, avec voix délibérative, à toutes les instances dirigeantes du mouvement, bureau exécutif, bureau politique, comité central, comité national, commission nationale d'investiture, commission de discipline, et le Front National, de manière tout à fait illégale, l'en a empêché. Parce que même s'il l'a exclu en tant que membre, eh bien, vu que la présidence d'honneur est dans les statuts, et que les statuts ne peuvent être modifiés que par un congrès physique, et non pas par une simple décision du bureau exécutif, hein, c'est extrêmement clair, eh bien, il reste président d'honneur. Bon. Et avec donc toutes les prérogatives qui y sont attachées. Et donc, loin d'appliquer cette décision de justice, Marine Le Pen a décidé, je cite, les instances dirigeantes du mouvement, s'appuyant sur son comité de campagne, pour ne pas avoir à affronter le regard de l'homme auquel elle doit tout. Parce qu'elle doit tout à son père. Parce qu'il y a des enfants qui doivent moins à leurs parents, par leur qualité propre, par leur réussite personnelle. Ils ont fait beaucoup. Mais elle lui doit tout. Elle était détestée dans le mouvement, j'en sais quelque chose. Elle a été imposée par son père hein, et favorisée par les médias pendant des années. Elle avait échoué dans son métier d'avocat. Elle avait échoué à la direction des services juridiques du Front National. Et c'est son père qui, à chaque fois, l'a repêchée et l'a imposée d'abord comme vice-présidente du Front National en 2003 au congrès de Nice. Et puis finalement, qui lui a fait avoir une ascension fulgurante. Mais elle n'a pas été sécrétée, comme doit l'être un chef, elle a été décrétée. Et c'est toute la différence. Voilà. Non pas par ses qualités propres de militantisme ou intellectuel, ce qui serait d'ailleurs difficile, mais voilà. Donc, ça a été. Elle a ensuite été élue. Bah, c'était l'époque où Jean-Marie Le Pen, j'ai beaucoup d'affection pour lui, mais c'est quelques reproches que je lui ai fait à l'époque, en toute amitié, c'est qu'il faisait beaucoup moins de politique que du biologique à l'époque. Bon. Et c'est un peu dommage. C'est-à-dire qu'il considérait, bon, ce qui n'était pas complètement faux, que le fait qu'elle avait le nom Le Pen, ça pouvait être un plus sur le plan électoral. C'est vrai qu'elle a un certain bagou, une certaine agressivité naturelle qui parfois sciait sur le plateau de télévision. Mais le problème, donc ça c'était des choses effectivement, mais qui n'étaient pas suffisantes. Parce que si on n'a pas les convictions, si on n'a pas les idées, si on n'a pas les qualités humaines et de cœur aussi. Parce que c'est important d'avoir du cœur quand même dans la vie. Bon, je dirais même que c'est le plus important. Hein. Bon. Je vous fais une objection qui vient d'être écrite. Oui. Elle n'a pas traîné. Vous attaquez le Front National. Vous préférez sans doute l'UMPS et la déchéance de la France. Non, mais je sais bien, ça c'est le discours que j'entends souvent, mais moi je vois les choses telles qu'elles sont. Moi je préférerais ne dire que du bien du Front National que j'ai soutenu pendant des années. J'en ai été adhérent, j'en ai été militant, à bas niveau, j'en conviens, mais tout à fait sincère. J'en étais même candidat à des petites élections, etc. Et je ne renie pas du tout ce passé. Et moi, j'aimerais ne pouvoir en dire que du bien. Mais malheureusement, le mouvement tel qu'il devient aujourd'hui, sous la direction de qui vous savez, eh bien, je ne le reconnais plus, si vous voulez. Voilà, je ne le reconnais plus. Et moi, je me bats quand même pour des convictions. Je ne me bats pas pour des postes. Je ne me bats pas pour une étiquette, qui d'ailleurs pourrait changer. Parce que déjà, on a enlevé la flamme, on a enlevé le nom Le Pen. Et il n'est pas du tout impossible qu'au prochain congrès, on change carrément le nom du mouvement, ce qui aurait au moins le mérite de la clarté et d'achever la révolution qui est en cours, et qui est en voie d'achèvement d'ailleurs. Bon. Donc voilà, moi c'est tout ce que je dis. Alors on me dit oui, mais alors vous disiez de même qu'il fallait pas désespérer Billancourt en disant la vérité sur le système soviétique et communiste à l'Est. Vous allez désespérer le peuple des nationaux en critiquant la direction actuelle du Front National. Écoutez, moi je ne sais pas, mais je veux dire, moi je crois qu'en toute chose il faut dire la vérité. Voilà, donc la vérité elle est celle-là. Peut-être que demain il y aura d'autres dirigeants du mouvement national, qu'il y aura d'autres formations, d'autres chefs qui émergeront, même si aujourd'hui on ne les voit pas forcément. Je ne sais pas, ou peut-être n'émergeront-ils pas, peut-être ne les méritons-nous pas, après tout. Je l'ignore. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la réalité, elle est celle-là. Alors après, chacun agit en conscience et fait ce que bon lui semble. Mais moi, si vous voulez, on me pose des questions, je réponds avec sincérité, et je dois dire que le Front National tel qu'il évolue aujourd'hui, qui d'ailleurs ne met plus du tout au centre la question de l'immigration, hein. D'ailleurs Marine Le Pen a dit elle-même qu'elle ne croyait pas au grand remplacement, qu'elle assimile à une théorie du complot. Bon, et donc, si vous voulez, je dirais qu'une chatte n'y reconnaîtrait pas ses petits. Alors, à part comment dirais-je, le Front National dans l'offre politique française, il y a deux choses, il y a la droite et la gauche. Alors, on va parler de la droite et de la gauche. La primaire de droite, Fillon, le sauveur, c'est un sauveur, Fillon ? Bah écoutez, moi, j'ai été stupéfait. J'avoue que j'ai encore... bien qu'arrivant à l'âge de 44 ans, ce qui n'est pas totalement négligeable, ben j'ai encore parfois quelques naïvetés de jeunesse, ou de ce qui me reste de jeunesse, puisqu'aussi bien je ne m'attendais pas à ce que plus de 4 millions d'électeurs, qui en plus ont payé 2 euros, ont fait sagement la queue, y compris parfois sous la pluie, ou avec des queues qui parfois pouvaient être assez longues, pour voter pour les candidats en lice à la primaire de la droite et du centre. Il y a quand même eu, pour un scrutin en plus qui n'est pas institutionnel, qui n'est pas prévu par la Constitution, qui est d'importation récente, qui a commencé à gauche en 2011, qui avait d'ailleurs vu à l'époque... La victoire de Hollande. Contraire à l'esprit de la Constitution. Oui, tout à fait. Et finalement, ça fonctionne. D'ailleurs, les médias y accordent une importance absolument considérable. Pensez, mesdames et messieurs, que le débat entre les deux tours de la primaire, entre Juppé et Fillon, les deux finalistes, a été retransmis en direct et en intégralité, à la fois par TF1, France 2 et France Inter. C'est hallucinant. C'est-à-dire que je ne suis même pas sûr que le débat télévisé entre les deux tours de la présidentielle de finalistes aura davantage d'audience et sera davantage diffusé et commenté qu'il ne l'a été. On a eu des spécialistes, y compris en économie, dans tous les domaines, qui ont disséqué le programme. Il n'y aura peut-être même pas de débat, d'ailleurs. Voilà, peut-être, le programme des différents candidats, ce qui les opposait, ce qui les réunissait, y compris dans ses moindres nuances, dans ses moindres linéaments. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant. Bon. Et en plus, quand on sait qu'il s'agit d'hommes politiques qui, depuis un quart de siècle, ont participé au même gouvernement, aux mêmes majorités gouvernementales, ont voté et appliqué les mêmes textes, ont été les ministres de l'un, le premier ministre de l'autre, et qu'il s'agit essentiellement, disons les choses, d'une querelle d'ego, d'ambition personnelle, et que les divergences ou différences qu'on a voulu en quelque sorte mettre en exergue sont nulles ou dérisoires. Et d'ailleurs, on le voyait entre le débat des deux tours entre Juppé et Fillon, où finalement, l'un considérait l'avortement comme un droit essentiel, parce que non constitutionnel, et l'autre comme un droit fondamental, où l'un vantait l'amour homosexuel, Fillon, tandis que l'autre disait qu'il se sentait plus proche des positions de Bergoglio que de la Manif pour tous. Bon, voilà. Voilà ce qui les distingue. Que l'un souhaite supprimer 200 000 fonctionnaires en 5 ans, quand l'autre souhaite en supprimer 500 000 également en l'espace d'un quinquennat. Voilà les différences, sinon ils sont d'accord sur tout. Et ce sont des gens qui ont gouverné ensemble et qui ont failli, dont la politique a conduit à un nombre d'immigrés supplémentaires, de chômeurs supplémentaires, une pauvreté supplémentaire, des lois qui ont détruit la famille, qui ont détruit la morale naturelle, qui n'ont fait appliquer que les directives de la Commission de Bruxelles, qui ont appliqué la politique européiste, euromondialiste, dans tous les domaines, de la finance internationale, voilà, et voilà des gens qui pour pas cher, se refont une petite vertu. Voilà. Et même une grande vertu. Puisque moi, j'ai vu un certain nombre de gens, même autour de moi, et des gens souvent tout à fait estimables, dont souvent le jugement m'éclaire et l'amitié m'honore, mais qui, d'un seul coup, avaient les yeux de Chimène pour Fillon. Qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est distingué, qu'est-ce qu'il présente bien. Alors, je suis d'accord qu'il présente sans doute mieux que Sarkozy. Il est peu probable, sait-on jamais, mais enfin, il est peu probable qu'on le voit à l'heure du laitier, comme Hollande, aller voir une maîtresse. Je crois qu'on dit, et si c'est le cas, c'est très louable, qu'il est fidèle à sa femme, avec qui il a eu 5 enfants, ce qui est très bien. Bon, effectivement, il présente bien, il est bien coiffé. Et c'est sûr que face au Sarkozy et à Hollande qu'on a eu, peut-être que sur ce plan-là, il sera peut-être un peu moins indigne de la fonction, du moins, peut-on l'espérer. Et, ou même que Mitterrand, qui, au grand frais de l'État, nourrissait sa maîtresse et sa fille adultérine, Mazarine, au point d'ailleurs de persécuter Jean-Édouard Renalier, et qui essayait de dire la vérité sur ce point. Bon, donc effectivement, on aura peut-être pas, du moins est-il permis de le souhaiter, ces dérives très regrettables. Mais enfin, pour le reste, sur le plan de la politique à mener, je ne vois pas ce qui le distinguera d'un Valls ou même avant d'un Sarkozy ou d'un Hollande. D'abord, il ne parle pas, ou quasiment pas, de la question quand même vitale de l'immigration. Ou alors, s'il en parle, c'est uniquement sur un plan économique et de manière extrêmement marginale. Ni de l'identité, qui est quand même une question centrale. Sur les questions sociétales, il a beau dire qu'en tant que catholique, je cite, il est hostile à l'avortement, mais dans les faits, il dit qu'il maintiendra intégralement la législation actuelle sur l'avortement. Donc, ça c'est le type de ces catholiques, je veux dire, qui sont catholiques à la messe le dimanche, si toutefois ils y vont, mais qui ne le sont plus du tout en semaine quand ils font de la politique. Hein. C'est quelque chose qui est assez méprisable. Bon, ça, j'appelle pas ça un homme de conviction. Et par ailleurs, encore une fois, je rappelle que c'est un... il a toujours été, lorsqu'il était Premier ministre, aux premières loges, au dîner annuel du CRIF, hein, où il faisait et dit, où on lui disait de faire, où il s'était vanté de ce que c'était le gouvernement français qui était à l'origine de l'arrestation, je cite, du révisionniste Vincent Renoir, hein, en 2010. Il l'a dit lors de son dîner en 2011. Hein, j'en ai encore les échos à l'oreille. Et par ailleurs, je rappelle que son porte-parole, Madame Valérie Boyer, qui est députée des Bouches-du-Rhône, eh bien, est à l'origine d'une proposition de loi qui propose d'étendre le délit de contestation de crimes contre l'humanité qui vaut pour la contestation du génocide juif à la traite des esclaves et au génocide arménien, et que surtout elle prévoit pour ce délit non plus 1 an de prison ferme et 45 000 euros d'amende, mais carrément 5 ans de prison ferme. Voilà. Donc si vous voulez, je ne vois pas ce que François Hollande pourrait, François Fillon, lapsus révélateur, pourrait apporter de révolutionnaire dans le bon sens du terme, si vous voulez, s'il accédait à la magistrature suprême. Mais là encore, j'ai souvent constaté que l'homme aime vivre d'espoir et qu'il a besoin de se raccrocher aux branches, même si c'est une branche pourrie, même si c'est une branche morte. Et voilà. Mais parfois, il faut constater qu'on n'a affaire qu'à des impostures, qu'à des solutions qui n'en sont pas. Et malheureusement, en général, les hommes et les partis politiques que l'on voit massivement dans les médias, ce sont déjà des gens qui sont choisis, en quelque sorte. Et ils ne sont donc pas là pour dire la vérité et pour œuvrer au redressement de la France. Mais ils sont là pour, finalement, appliquer la politique d'un certain nombre de cénacles mondialistes. Est-ce que vous avez été surpris, j'ai été dans une certaine mesure, par le... par la présence de Fillon au deuxième tour de cette primaire. Alors j'ai réfléchi à la question, j'ai posé des questions à des gens que je connaissais. Et moi, parce que c'est assez surprenant, étant donné les sondages, et même étant donné les campagnes des uns et des autres, j'ai posé la question à des gens que je connaissais, et je crois avoir compris. J'ai une amie socialiste qui a voté à la primaire de droite, hein, c'est ça qui est amusant, qui a voté Fillon pour contrer Sarkozy, parce qu'elle votait tout sauf, il faut tout sauf Sarkozy. Puis j'ai une amie de droite qui a voté Fillon pour contrer Juppé, tout sauf Juppé. Alors si tout le monde a voté Fillon pour pour empêcher les autres de passer. C'est normal qu'il ait fait un très bon score. Le problème de la démocratie, c'est que les gens votent contre, parce qu'on est toujours dans la déception, la désillusion, le négatif, et non pas le positif. C'est-à-dire qu'on ne va, pas voter pour un idéal, pour des convictions, pour une doctrine, mais en quelque manière, on va voter contre. Voilà, c'est un peu comme si on épousait une jeune femme et simplement parce que pour finalement rendre jalouse une autre, mais qu'au fond on n'avait aucun sentiment pour elle, qu'il y avait rien de positif qui nous unissait à elle. Or pour aimer, il faut admirer. Et il y a là quand même quelque chose qui devrait interroger, c'est que est-ce que j'y réfléchis souvent, mais pour vivre on a besoin de respirer, on a besoin de manger, on a besoin de boire, on n'a pas besoin de voter. Et moi je crois personnellement qu'il y a beaucoup de gens qui devraient avoir cette révolution mentale de se dire finalement voter, est-ce que ça n'est pas cautionner, légitimer un système qui est foncièrement mortifère, quoi. Parce que si les élections servaient à quelque chose, on s'en serait déjà aperçu. Et je dois dire que depuis 70 ans, pour ne pas remonter au-delà, la Troisième République, moi je constate que bon, les élections ont toujours conduit des présidents pires les uns que les autres, des gouvernements pires les uns que les autres, des majorités pires les unes que les autres, et qu'on s'enfonce chaque fois davantage dans un marasme épouvantable et dans des lois de plus en plus détestables, contre nature, liberticides, totalitaires. Par conséquent, il y a un moment donné, il faudrait peut-être arrêter. Au moins, on ne se salit pas les mains. On ne se salit pas les mains, on ne se salit pas l'âme. Parce que tout acte qu'on pose est un jugement, on peut porter un jugement moral dessus. Bon. Et moi personnellement, encore une fois, je ne l'impose à personne, mais moi personnellement, voilà des années que je ne vote plus, et jusqu'à ma mort, quoi qu'elle advienne, je ne voterai plus. Ça, c'est clair. Je suis sorti complètement du système, et je ne veux plus y rentrer, et je m'en porte très bien. En plus, je dois dire que je déteste faire la queue, en plus, bon. Mais en plus, je dirais, aller uriner, je m'en passe. Voilà. Je considérerais ça comme la réponse que vous avez faite à trois ou quatre. Question d'auditeur ou remarque d'auditeur. Croire que la solution viendra après les urnes est une illusion. Ne me coupez pas. Excusez-moi. Je vous ai pas coupé. Ne me coupez pas. Il faut qu'il y ait du débat. Il faut de la vivacité. Non, mais sans blague. À des remarques d'auditeurs qui vous reprochent effectivement de désespérer les meilleurs d'entre nous, d'être trop méchant avec Marine Le Pen, etc., etc. Bah, c'est surtout elle qui est méchante. Elle a quand même dit à travers ses adjoints qu'elle souhaitait la fin de Radio Courtoisie, lorsqu'il y a eu les polémiques avec Auré de Lesquin, que Minute River et des torchons, que, encore une fois, moi je peux pardonner les offenses, hein, et c'est même souhaitable, mais si vous voulez, le ciel sont des cinglés, Civitas sont des cinglés, enfin, c'est tous les discours qu'elle tient avec les mignons qui l'entourent et qui la flattent, si vous voulez, parce que si vous voulez, ce sont des gens qui ont la grosse tête alors qu'il n'y a pas de quoi, hein, si vous voulez, et en quelque manière, je crois qu'ils sont un petit peu déconnectés du réel, et je pense qu'on a jamais raison de mépriser autrui, d'abord parce qu'on est tous pêcheurs et minables à bien des égards, hein, quand on se regarde. Bon, donc déjà, ça n'est pas une bonne chose. Et de plus, je pense que ça n'est pas politique. Ça n'est pas politique. Mais le problème, c'est que Marine Le Pen, je suis désolé de le dire, mais c'est un vide doctrinal et sidéral qui est considérable. Et moi, qui m'a toujours frappé. Alors que son père, il y a une culture, il y a un alors, vécu. Je crois que les auditeurs ont bien compris ce que vous vouliez dire à cette question. On passera pas de vacances ensemble, c'est clair. Voilà. Je crois pas, effectivement. Non. Bon, il est 20h12, vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la liberté surveillée. Avec moi-même, Martin Pelletier, je reçois ce soir Jérôme Bourbon. Nous attendons Henri de Lesquin. Il viendra, il ne viendra pas, ça dépendra de l'endroit, du moment où on est arrivé. L'audience, je vais lire encore une ou deux observations de journalistes, d'auditeurs, et puis nous passerons à la troisième partie de cette émission. Alors, un auditeur me fait remarquer que en Chine communiste, il y a plusieurs millions de gens dans les camps de concentration qui ne sortiront jamais, que c'est parfaitement reconnu là-bas et que personne n'en parle ici, c'est tout à fait vrai. Alors, une auditrice me fait remarquer que M. Valls a qualifié son successeur Cazeneuve de frère. Il est vrai que M. Valls faisait la couverture de l'Express il y a quelques mois sous le titre l'étonnant parcours d'un franc-maçon de la loge, ni Dieu ni maître. Effectivement, les frères sont derrière l'ascension irrésistible de ce Arturo, ni oui ni non. Alors, encore des questions, mais j'en passe parce qu'on ne peut pas aller trop loin. Une femme nous dit que la rose bleue symbolise l'impossible. qu'elle est d'accord avec vous, Jérôme. Marine Le Pen a dit que la TV, à la TV, qu'elle était prête à changer le nom de Front National. Eh ben, oui. Bon, c'est encore. On vous demande qui vous allez voter, mais vous avez déjà dit que vous ne voteriez pas. Alors là, c'est un délice de vous écouter. Il y en a qui vous trouvent très mauvais, d'autres très bons. Eh ben, écoutez, c'est très bien tout ça, mais maintenant, il est 20h14 et on va partir parler un peu d'Henri de Lesquin en particulier et du problème de la. Dans la répression totalement folle et mortifère que la justice française en particulier, mais qu'elle n'est pas la seule à le faire, exerce sur la liberté de penser. Alors vous venez de l'audience et vous allez nous dire d'abord de quoi s'agit-il, quel procès, qui, quoi, pourquoi, d'accord, comment. D'accord, très bien. Alors, Henri de Lesquin, dont je ne suis pas l'avocat, hein, je le précise, mais j'y étais à ce procès d'abord par amitié, et d'autre part parce que je considérais qu'il me paraît important de défendre aujourd'hui la liberté de penser, non pas sur un plan philosophique, hein, parce que c'est très discutable sur un plan philosophique, mais à l'heure actuelle, stratégiquement, tactiquement, il me semble que, alors qu'on a des lois liberticides de plus en plus terribles, oppressantes, qui s'abattent sur notre pays, je crois qu'il est quand même important de défendre les gens qui ont quand même le courage, parce qu'il faut du courage, et je pense que ce qui manque d'abord peut-être à beaucoup d'hommes de notre temps, c'est le courage. Je crois qu'il y a une lâcheté généralisée, on a peur de son ombre, je parle du courage intellectuel, j'entends, hein. Et de ce point de vue-là, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on ne peut pas nier quand même que Henri de Lesquin fasse preuve d'un certain courage. Je l'ai entendu à la barre, encore une fois, j'ai dû attendre parce qu'il y avait beaucoup de monde, donc je l'ai écouté pendant environ 2 heures, où il devait répondre à une présidente qui ne cachait pas son hostilité. D'ailleurs, j'ai moi-même constaté, pour avoir été souvent à la 17e, que on pourrait s'attendre en principe à ce que les magistrats manifestassent une certaine impartialité, au moins au fort externe, et que on ne montra pas de manière aussi évidente, je dirais, voire parfois aussi véhémente, son hostilité. Mais enfin bon, c'est ainsi. Mais en tout cas, Henri de Lesquin, depuis l'automne 2014, a décidé d'aller, en plus de ses activités, sur les réseaux sociaux. Il est vrai que maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont sur les réseaux sociaux. Qui, alors, d'ailleurs, je coupe une seule chose, une minute, oui. C'est que cet après-midi était entièrement à la 17e chambre du tribunal de Paris, correctionnel de Paris, était entièrement consacré à Henri de Lesquin. Alors, il y avait une, deux, trois affaires. Il y avait trois affaires qui concernent des tweets, qui sont, pour ceux qui ne pratiquent pas ce type d'activité, des messages de 140 caractères, donc il faut être extrêmement concis, donc que l'on poste sur ce qu'on appelle un compte Twitter, et qui peut être donc vu par, non seulement par tous les abonnés à cette page Twitter, mais également tous ceux qui vont sur ce réseau social qu'on appelle Twitter. D'accord. Où je dois dire d'ailleurs, pour y avoir été parfois moi-même, et j'avoue que j'en étais un peu écœuré, il y a quand même beaucoup de, non seulement bien sûr, souvent chez beaucoup de gens, une orthographe et une syntaxe extrêmement défectueuses, mais souvent quand même beaucoup d'insultes, de familiarité excessive, et je pense qu'il y a quand même beaucoup de pertes de temps là-dedans. Bon, maintenant, beaucoup de gens pensent militer en militant sur Twitter, mais là on est vraiment dans le virtuel, et bien souvent c'est au détriment du travail, des vertus domestiques, etc. Et je ne crois pas que ce soit là quelque chose de positif. Bon, vraiment la parenthèse. Bon, enfin, toujours est-il qu'à tort ou à raison, je n'ai pas en jugé, Henri de Lesquin a considéré à l'automne 2014 qu'il était bon, pour défendre les idées qui sont les siennes, les convictions qui sont les siennes, eh bien, d'aller sur Twitter. Et pas simplement sur Twitter d'ailleurs, puisqu'il a même un site de campagne, puisqu'il est candidat à l'élection présidentielle de 2017, même s'il n'a pas d'illusion, évidemment, sur ses chances d'obtenir les 500 précieux parafes, qui empêche d'ailleurs des gens authentiquement anti-système d'être candidats. Hein. Comme disait Maurras, la République gouverne mal, mais se défend bien. Et donc, il a pris des positions sans langue de bois, sans langue de buis, un peu parfois qui pourront paraître parfois un peu brutes de décoffrage, mais il considère qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont à l'heure actuelle. Et moi, j'avoue que je respecte le courage d'où qu'il vienne. Et même s'il s'agissait d'adversaires politiques, dès lors qu'ils expriment leur position avec honnêteté, avec sincérité, avec courage, j'ai du respect. Non pas forcément pour les convictions qu'ils peuvent émettre, mais en tout cas pour la démarche et la sincérité, la force morale dont ils font preuve. Alors, en l'occurrence, pour répondre à votre question, il y a effectivement trois séries de tweets ou de messages qui étaient poursuivis, qui abordaient différentes questions, notamment des tweets, des messages relatifs à ce que, je cite, Henri Desquin appelle, je cite, la musique nègre. D'autre part, d'autres tweets relatifs à la Shoah et la longévité des rescapés de la Shoah. Et d'autre part, d'autres concernant, je cite là encore, le coefficient de blancheur des équipes de balle au pied, puisqu'il s'agissait de messages qui avaient eu lieu au moment de l'Euro 2016 de football qu'on appelle Radio Courtoisie balle au pied. D'accord. Voilà. Une question complémentaire. Dans aucune de ces trois séries de messages, Henri Desquin ne se présentait en tant que président de Radio Courtoisie. Même s'il en était question dans l'audience, notamment par exemple la présidente a été amenée à poser des questions par rapport aux émissions qu'il y avait de Radio Courtoisie sur le plan musical, culturel, etc. Où Henri Desquin a dit l'importance qu'il accordait, que la radio accordait à la musique classique, etc. Bon, et à la chanson française, etc. Mais disons que, pour répondre pleinement à votre question, d'abord, il faut savoir que c'est des officines de délation, comme la LICRA ou la DILCRA, délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, qui ont procédé à ce qu'on appelle un signalement sur Twitter, et donc qui est adressé au parquet, au ministère public, qui après poursuit, et évidemment, c'est associations se constituent partie civile hein, pour obtenir des dommages et intérêts substantiels. Donc il y avait la LICRA, il y a le MRAP, il y a également Avocat sans frontières donc toutes ces associations évidemment étaient représentées par des avocats, des conseils à l'initiative aujourd'hui, et j'étais frappé de voir, ce qui est assez rare, qu'à l'audience, le banc de la presse était extrêmement garni. Hein. Et il y a eu même des dépêches sur Internet annonçant donc ce procès. Donc il a été quand même relativement médiatisé. Alors donc, c'est frappant d'ailleurs de constater que ceux-là même, qui à juste titre condamnent les lettres de dénonciation qui étaient envoyées à la commandante Tour pendant la guerre, eh bien, sont ceux-là même qui procèdent à la délation en parfaite bonne conscience républicaine et citoyenne sur les réseaux sociaux, puisqu'il faut quand même faire une démarche active hein, de dénonciation. Hein. Il faut dénoncer un message, une personne, et on sait que, en général, sur ce genre de sujet, lorsqu'on est amené à dénoncer, il y aura un procès, il y aura une condamnation, il y aura donc, des amendes souvent assez lourdes à payer, des dommages à intérêt, parfois des peines de prison, ferme ou avec sursis. Et donc, lorsqu'on s'en s'adonne à cette entreprise de délation, il y a quand même des conséquences hein, qui ne sont pas négligeables, mais il semble qu'un certain nombre de gens considèrent qu'il est tout à fait légitime de sanctionner des contradicteurs, des gens qui ne sont pas en accord avec sa propre vision du monde. C'est ce qu'on appelle le totalitarisme participatif. Voilà. Et je me dis, ils auraient fait parfaitement de bons capots de camp de concentration, quelle qu'en soit l'idéologie. Il y a des gens qui manifestement ont la psychologie nécessaire pour ça. Et je veux dire que les gens de gauche qui se vantent toujours de liberté, de tolérance et d'ouverture à l'autre, eh bien, en général, moi j'ai souvent constaté qu'il n'y a pas plus fanatique qu'eux. Mais on le sait déjà, on le sait à travers la Révolution française, les révolutions communistes, bolcheviques, on sait ce qu'il en est. Bon. Mais donc, effectivement, face à une certaine liberté de parole, de pensée, eh bien, on se heurte effectivement à eh bien des réactions extrêmement violentes, voilà. Et le problème, c'est que bon, faut pas s'illusionner, hein, il ne faut pas se leurrer. Moi, je l'ai constaté à maintes reprises, que soit les services de police au moment de l'enquête, et puis après les magistrats, bon bah, ils appliquent avec zèle la loi. Hein. Il faut pas penser qu'ils feront preuve à votre égard d'une quelconque mensuétude. Alors peut-être qu'Henri de Lesquin. Peut-être, ce n'est pas sûr. Peut-être, dans la mesure où son casier judiciaire est vierge, bénéficiera-t-il peut-être d'une condamnation pas trop élevée, puisque, en quelque sorte, ce n'est pas un récidiviste ou un multirécidiviste, si j'ose dire, entre guillemets. Mais cela dit, ce n'est pas sûr, parce que on sent qu'il y a quand même une volonté des partis civils, de ses adversaires, de ses contempteurs, de le faire trébucher, quoi, et de le condamner au maximum. Voilà, donc, moi, ce que j'en ai vu, j'ai trouvé qu'il s'était défendu avec beaucoup de conviction et d'aisance verbale. Mais la présidente a montré donc beaucoup d'hostilité, elle était même assez moqueuse, assez sarcastique par moments. Faut quand même pas oublier que le tiers au moins des magistrats sont membres du syndicat de la magistrature, et le syndicat de la magistrature, pour en donner quand même une idée, c'est quand même cette officine qui sur ses murs, les murs du syndicat, avait fait ce qu'il appelait, je cite, pardonnez-moi pour l'expression vulgaire, le mur des cons, hein, où on voyait des gens essentiellement, tous les gens qui n'aimaient pas le syndicat de la magistrature, c'est-à-dire essentiellement uniquement des gens de droite, quoi, fondamentalement, ou des gens jugés réactionnaires, quoi. Bon, et voilà. Donc, je crois que dans une revue de ce syndicat, je crois qu'on avait mis en une un policier avec une tête de cochon. Bon, ce qui en disait long. C'est très maoïste, ça. C'est voilà. Vrai, c'est très conforme au totalitarisme chinois sous ses espèces les plus classiques. Et donc de plus en plus, on a affaire à des tribunaux idéologiques, des procès soviétiques. Moi-même, par exemple, je suis passé le mois dernier, et le Madame le Substitut, qui est une dame, parce que c'est maintenant très féminisé, hein, toutes ces assemblées, et donc Madame le Substitut a demandé 40 000 euros d'amende sous forme de jour amende, c'est-à-dire 200 euros à 200 jours amende, c'est-à-dire que si on ne les paye pas, au bout d'un certain nombre de jours, théoriquement, on va en prison. Voilà. 40 000 euros, c'est quand même tout à fait considérable. Hein. C'est le prix d'une belle voiture neuve, voire même maintenant, avec la chute de l'immobilier, d'une petite maison en province modeste. Modeste, mais qui existe dans des campagnes, etc. Bon, voilà. J'en ai vu à ce prix-là. Et donc, si vous voulez, c'est quand même quelque chose. Et je ne parle pas des dommages intérêts en plus des associations qui rendent encore plus salée l'addition. Donc là, on est vraiment dans le délire. Là où on demandait des euros symboliques, des francs symboliques à l'époque, ou 1000 francs, on est passé à 1000 euros, hein, ce qui passe quasiment de 1 à 7, hein, alors que les salaires et pensions, eux, n'ont pas augmenté. Et par ailleurs, moi, j'ai constaté quand même les premières années, on sentait quand même chez un certain nombre de magistrats une répugnance à condamner fortement pour qu'il est convenu d'appeler des délits d'opinion, quand même. Ils sentaient bien au fond d'eux-mêmes que ça n'était pas leur rôle, quoi. Qu'ils sont là pour réprimer le crime, des délits incontestables, arbitrer des débats historiques ou des débats d'opinion, des débats politiques, ça n'est quand même pas, en principe, leur mission, bon. Et, notamment des magistrats de la vieille école. Et j'ai constaté que progressivement, mais finalement assez rapidement, ils ont été remplacés par des gens beaucoup plus idéologues, sans doute formés par l'École nationale de la magistrature, où, il faut le dire, interviennent notamment, comme d'ailleurs pour tous les futurs fonctionnaires, des associations comme la LICRA, comme pour donner le catéchisme. C'est peut-être ça le plus important, voilà. La problématique, c'est que la justice maintenant est une arme politique considérable, et je pense que c'est vraiment le moyen par lequel on peut abattre les adversaires idéologiques. D'abord en s'en prenant leur portefeuille, ce qui est toujours efficace, parce que personne ne bénéficie de fortune illimitée. Donc il y a un moment donné, quand même, on finit par caler, hein, c'est évident. Regardez même Dieudonné, ça m'a frappé, je veux dire, qui quand même, par ses spectacles, par sa notoriété, par son talent, a réussi quand même à amasser des sommes non négligeables. Bah, à un moment donné, avec les contrôles fiscaux qu'il a eus, les amendes à payer, les saisies qu'il a eues, il a été obligé de caler un peu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il soit renié, mais on a senti à un moment donné quand même même qu'il a mis de l'eau dans son vin, si j'ose dire, et il est difficile de le lui reprocher totalement, parce que bon, à un moment donné, il y a une question de survie, hein, il a des enfants, une famille, bon, c'est toujours la question à laquelle on est conduit. Hein. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à une forme d'héroïsme, etc. ? Est-ce qu'il faut préserver parfois un journal, une famille, etc. ? Ce sont des questions qui ne sont pas simples, hein, bon. Mais parce que le problème, c'est qu'on nous dit toujours, oui, mais vous pourriez ne pas aborder certaines questions. J'entends bien, effectivement, ça permet de ne pas avoir d'ennuis, mais d'un autre côté, on ne peut pas les aborder. Est-ce qu'on fait son devoir ? Est-ce qu'on ne participe pas au mensonge ambiant ? Il y a ce qu'on appelle le mensonge par omission. Hein. Il y a en morale ce qu'on appelle les péchés par omission, mais il y a le mensonge par omission qui en fait partie. Et le problème, c'est qu'à force de ne plus dire une vérité, eh ben, on finit par l'oublier, l'oblitérer, et même par être complice du mensonge, et même parfois par s'en persuader au bout d'un moment. Hein. Et vous disiez très justement tout à l'heure, ça c'est une vieille revendication qu'il ne faut jamais oublier, que cette question est au centre d'une entreprise de démoralisation et de tétanisation des nationaux. Voilà. Et donc c'est une question qui n'est pas simple, parce que moi je pense quand même qu'il y a des gens qui aillent jusqu'au bout, au point par exemple de tout perdre. Par exemple, je pense à Vincent Renoir, ou même dans un Boris Lelay qui a dû aller au Japon, un Hervé Ryssen. Moi je pense que c'est quand même souhaitable, parce que évidemment il vaut mieux dans ce cas-là qu'il soit célibataire, parce que évidemment pour une famille c'est très compliqué, et les femmes de ce point de vue-là on les comprend toujours un rôle modérateur, parce que elle pense, c'est normal, à l'avenir de la famille, aux enfants, ce qui est tout à fait légitime. Mais dans ce cas-là, évidemment, il y a aussi, chez l'homme, il y a toujours une forme d'idéalisme, bon, qui est d'ailleurs, je crois, tout à fait nécessaire. Mais je crois qu'il est quand même important qu'il y ait quand même des gens qui soient capables d'aller jusqu'au bout et de s'y tenir, parce que ce sont des témoins. Un témoin, ça veut dire martyr. Et moi, je pense qu'on a besoin de martyrs. Non pas qu'il faille rechercher le martyr, hein, non pas qu'il faille faire des provocations inutiles, mais il y a un moment donné, lorsqu'il y a une vérité à défendre, qui nous dépasse, qui nous transcende, moi il me semble qu'il faut être capable de la porter, même si c'est à son détriment personnel. Moi je pense que, en tous les cas, moi c'est des gens comme ça, si vous voulez, que j'ai envie de suivre, que j'ai envie de respecter, et non pas des gens qui me disent, bon ben non, je veux pas dire ça parce que je veux pas perdre mon mandat électif, je veux pas me fâcher avec telle ou telle personne, je veux pas mettre en danger ma situation personnelle. Moi il me semble qu'on a quand même besoin d'exemples. Ça me paraît vraiment l'esprit chrétien fondamental. Question qui se pose, puisqu'on parle, on est parti d'Henri de Lesquin et de ce qui lui est reproché, du procès stalinien qu'il encourt, c'est que plus on se tait, plus on laisse vraiment dire n'importe quoi, puisque, par exemple, je prends l'exemple très précis d'Henri, jamais, il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait, jamais il n'a remis en question la Shoah. Jamais. Il a simplement attaqué certains excès. Vous, moi, n'importe qui, Vincent Renoir, pourrait attaquer la Shoah, mais Lesquin ne l'a pas fait. Mais il a attaqué quand même la religion de la Shoah. La religion de la Shoah, c'est déjà beaucoup, puisque c'est un dogme, et avec le blasphème, quand la loi on ne dit rien, on permet de plus en plus d'excès de tout à fait. Mais d'ailleurs, moi j'espère me tromper, mais je crains qu'il ne soit condamné là aussi, parce qu'il y a une jurisprudence qui a évolué de la Cour de cassation, là où au départ, dans la loi Guesso, il fallait une contestation explicite et très claire des crimes contre l'humanité imputés au national-socialisme par le tribunal de Nuremberg, eh bien aujourd'hui, un simple doute, une interrogation, une suggestion, l'utilisation de guillemets, il lui a été reproché, par exemple, d'utiliser des guillemets entourant l'expression « rescapé de la Shoah ». Il a dû s'expliquer sur l'utilisation des guillemets. Moi, je dois dire que pour avoir écrit un article en mai 2011 dans Rivarol, Vincent Renoir a écopé de 2 mois de prison ferme parce que j'ai eu le jugement, les juges lui reprochaient d'avoir utilisé des guillemets, des conditionnels, paraît-il, des la thèse officielle, etc., qui laissaient entendre, qui subodoraient, qui suggéraient au lecteur, hein, ce sont les mots employés par les magistrats de la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris, eh bien, qui suggéraient au lecteur. Donc que finalement l'histoire ne pourrait pas être exactement celle qu'on raconte dans les manuels scolaires mais et à la télévision. Vous voyez comme il est important d'être extrêmement précis, extrêmement ferme et ne pas laisser justement la parole, l'adversaire dégoisé, parce que c'est le terme propre. Parce que autant on peut comprendre, je ne dis pas qu'on peut admettre, je ne dirais pas qu'on peut approuver. On peut comprendre qu'un magistrat, voyant une locution telle que, paraît-il, ou un conditionnel, dise oui, ça finit par suggérer que, mais des guillemets, non, les guillemets, quelle est la fonction des guillemets? Il faut quand même le rappeler à l'auditeur. La fonction des guillemets, c'est simplement de mettre un texte exactement tel qu'il a été prononcé et de le mettre entre guillemets pour en donner la paternité à quelqu'un. Ça ne préjuge absolument pas ni de sa véracité ni de sa fausseté, hein, n'est-ce pas ? Donc le fait qu'un magistrat puisse glisser du conditionnel et du paraît-il à l'utilisation des guillemets pour dire que pour inférer que la personne qui parle a voulu suggérer qu'il y a un doute, cette seule chose est quelque chose de moralement et intellectuellement inadmissible, et ce magistrat devrait être révoqué. Voilà, il devrait être... j'imagine qu'il y a un conseil de l'ordre, pas de l'ordre, c'est pas l'avocat, mais un conseil quelconque qui peut prendre des mesures disciplinaires, petites ou grandes, contre un magistrat qui se rend coupable d'une erreur de ce type. Il devrait être révoqué, parce qu'il est responsable, le magistrat. Oui, mais le problème, magistrat a une place éminente. Il ne peut donc pas se permettre ce que un journaliste, un va-de-la-gueule, un crétin, un ivrogne peut se permettre. Un avocat, un magistrat, c'est quelque chose d'une fonction tout à fait éminente. À Rome, en France, partout. D'ailleurs, le premier magistrat de la République, c'est le président de la République. Donc, il faut quand même être, à mon avis, il faudrait monter des campagnes pour demander aux magistrats d'être responsables et pour leur demander les sanctions les plus vives et les plus profondes, les plus graves contre des gens qui se rendent coupables de tels errements. Voilà, c'est la première chose qu'on devrait faire. On devrait faire une contre-attaque, que les que la peur change de camp, que les magistrats soient terrorisés par leur propre ignominie, parce qu'il n'y a pas d'autre mot que celui-ci. Franchement, quand j'ai vu certains procès, on a envie de vomir, de voir que des gens puissent se permettre de telles erreurs intellectuelles, de telles erreurs morales. Ils devraient, ramper dans leur cloaque et demander pardon. Et je suis... C'est pour ça qu'il ne faut absolument pas se taire, parce que le peuple français et ses élites s'habituent au terrorisme de la magistrature. Oui, excusez-moi, je parle, je devrais vous interroger. Non, vous avez raison de parler, j'ai déjà trop parlé, mais le problème, c'est que tant la Cour de cassation que le Conseil constitutionnel, eux-mêmes, si j'ose dire, pris des positions, ont eu une interprétation très extensive de l'application de la loi Guesso et ont même modifié leur jurisprudence de telle manière que maintenant on peut être condamné même sans qu'il y ait une contestation ou une négation explicite de ce qui était interdit de nier depuis Nuremberg. Bon, enfin, en tout cas depuis la loi Guesso. En 1990. Bon, et donc ce qui rend extrêmement compliqué d'aborder un certain nombre de questions. Et maintenant, ça n'est pas simplement tout ce qui a trait à la Seconde Guerre mondiale, ce qui est déjà beaucoup, mais par exemple tout ce qui a trait, par exemple, à l'homosexualité. Depuis la loi qui crée un délit d'homophobie en 2004, il est évident qu'on ne peut quasiment rien dire sur cette question, sauf à risquer des condamnations. Je rappelle que Christine Boutin, pourtant ô combien modérée et prudente, a elle-même été condamnée à plusieurs milliers d'euros d'amende pour avoir dit, reprenant cela, ce que dit la Bible, tant de l'Ancien que le Nouveau Testament d'ailleurs, et le catéchisme traditionnel également, que l'homosexualité est, je cite, une abomination. Bon, elle a été condamnée pour cela à plusieurs milliers d'euros d'amende. Hein, et aujourd'hui, comme je l'avais dit d'ailleurs au magistrat de la 17e, si la Bible venait d'être écrite, elle ne pourrait pas être publiée aujourd'hui, elle serait interdite, en tout cas beaucoup de ces passages, les uns pour antisémitisme, puisque le Christ dit des princes, des prêtres, des pharisiens, etc. Et par ailleurs, aussi pour homophobie, puisqu'il y a en effet toute une série, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, de considérations sur ce que on appelait autrefois le vice italien, et qui ne sont pas particulièrement majoratives, quoi. Enfin, voilà. Donc, il est certain que de plus en plus les libertés se restreignent, et c'est pourquoi je crois que les gens qui pensent que finalement ça ne concerne que la secte des révisionnistes ou des négationnistes, que bon, bah, c'est bien fait pour eux, ils n'ont pas qu'à aborder la question, je crois se trompent lourdement, parce que ce sont les libertés de chacun qui sont mises en cause, et qu'on commence par cela, mais après donc il y a la loi contre l'homophobie, maintenant on condamne, on l'avait vu avec le blogueur Boris Lelay, à de la prison ferme pour des incitations à la haine raciale, si on a des positions un peu fermes sur l'immigration, oui, ça, encore sur les races. Rappeler un peu ce cas, oui, Boris Lelay. Je vais revenir parce que donc cette année, en 2016, pour la première fois depuis l'adoption de la loi Pleven en 1972, eh bien, un prévenu, donc un jeune journaliste talentueux qui s'appelle Boris Lelay, breton d'origine, aujourd'hui exilé au Japon. Parce qu'il faut s'exiler, hein, dans un pays qu'on prétend être de liberté. Quand on pense que, au moment de l'affaire Charlie, on nous a dit liberté d'expression, que des millions d'imbéciles, hein, ont défilé, je suis Charlie, etc., liberté d'expression, ne se rendant même pas compte qu'on peut aller en prison en France et dans beaucoup d'autres pays d'ailleurs d'Europe et d'Occident pour avoir contrevenu à un certain nombre de dogmes. Bon, alors, Boris Lelay, il a été donc condamné à 2 ans de prison ferme, ce qui est tout à fait considérable. Uniquement pour incitation à la haine raciale et essentiellement parce qu'il avait dit que pour lui, eh bien, un celte, je crois que c'est à propos d'un chanteur noir qui se disait celte ou un groupe qui se disait celte tout en étant de race noire et disait mais un celte ne peut pas être noir, quoi. Voilà. En gros, c'est cela, hein. Je résume, je vulgarise un peu, mais bon, eh bien, il a été condamné pour cela, d'abord dans un premier temps à 6 mois de prison ferme et puis finalement à 2 ans de prison ferme. Je crois qu'il avait réagi un peu véhementement à la première décision blague. De justice. Il faut voilà. Le dire et le répéter. Deux ans de prison ferme, et j'avais lu des dépêches comme quoi le gouvernement français essayait d'intervenir auprès des autorités nippones pour essayer d'obtenir que Boris Lelay soit transféré en France, qu'il aille en prison, quoi, qu'il soit embastillé. Bon. Et donc, et je rappelle que Vincent Renoir est lui-même en Angleterre, dans la grande banlieue de Londres actuellement. Je le dis parce qu'il le dit ouvertement, hein, sinon je ne me permettrai pas de révéler cette information, voilà, et il y est parce que l'Angleterre, c'est un pays où il n'y a pas de loi Guesso, l'équivalent de la loi Guesso, et qu'en principe, il ne peut pas être extradé, même si, s'agissant du révisionnisme, on sait qu'il n'y a ni foi, ni loi, ni droit, et qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais enfin, en tout cas, voilà des gens qui s'exilent. Voilà où on en est, quoi. Bon, et donc, il y a un moment donné, il avait déjà fait un an de prison ferme, et là, il sait qu'il y a quasiment 2 ans de prison ferme à faire, il y aura peut-être d'autres affaires en cours, parce que forcément, comme il fait des vidéos, chaque fois qu'il y a des vidéos, il y a des risques donc de poursuite, puisque la LICRA systématiquement poursuit, et maintenant, à chaque fois, ils mettent le maximum à 1 an de prison ferme. Et si la proposition de loi Boyer passe, ce ne sera pas 1 an, mais 5 ans, hein. Comme en Allemagne, comme en Autriche, on a eu un Horst Mahler qui a été condamné à 12 ans de prison ferme, hein, pour avoir contrevenu au dogme holocaustique, hein. 12 ans de prison ferme, bon, on arrive à de véritables folies. Qui l'a exécuté, et d'ailleurs maintenant il est amputé, bon, voilà. Mais enfin, ça sont des choses que le grand public ignore. Qui est donc encore il y a Honzik. Il y a Honzik qui est en Autriche. En Autriche. Et qui lui aussi, je crois, il y a Frölich, je crois. Oui, mais alors, Jérôme, on va vous répondre. Et d'ailleurs, j'aimerais savoir ce que vous allez répondre, vous. Mais le racisme, l'antisémitisme ne sont pas des opinions, ce sont des délits. Ben je constate d'abord que si on punit le prétendu antisémitisme, on ne punit pas l'anticatholicisme ou l'antichristianisme, puisque il se déploie en permanence dans les spectacles, à la radio, à la télévision et même dans les programmes scolaires, puisque même pour avoir été moi-même à l'école privée sous contrat, eh bien, je me souviens que lorsque l'on parle de la chrétienté, de la féodalité, du Moyen-Âge, etc., on a une lecture quand même, s'agissant de l'Église catholique, du catholicisme, extrêmement orientée et très, très négative, très dépréciative, hein, s'agissant des indulgences, des croisades, de l'Inquisition, que sais-je encore, bon, de la chasse aux sorcières, bon, et donc, on voit très bien que les jeunes générations, eh bien, sont élevées au biberon, non seulement de l'antichristianisme, antiracisme, mais de l'anticatholicisme. C'est évident. Et donc, il ne faut pas s'étonner qu'en plus, ça fasse après des athées pratiques et même parfois théoriques, au point de parfois même de demander à être débaptisé officiellement. Bon. Et donc, oui, l'anticatholicisme se porte bien, merci pour lui, mais en revanche, la lutte contre l'antisémitisme, qui est en fait, il faut dire les choses. Qu'est-ce que c'est que la lutte contre l'antisémitisme ? C'est simplement le fait qu'on ne peut pas s'exprimer librement sur le lobby juif et le lobby sioniste. Et voilà, c'est tout. Je veux dire, bon, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et d'ailleurs, le malheureux Jean-Frédéric Poisson, qui ne devait pas s'attendre à ça, le malheureux, un chrétien démocrate, bien modéré, bien propre sur lui, bon, le ciel a dû lui tomber sur la tête, et d'ailleurs après il a été de génuflexion en génuflexion, écrivant une lettre au CRIF, s'excusant, s'autoflagellant, etc. Bon, voilà. Et tout ça pour 1,6%. Oui, 1,4, hein, n'exagérons pas, 1,4% des suffrages exprimés, voilà. Donc, il a dit une vérité une fois dans sa vie, le pauvre, espérons que ça lui enlèvera un peu de purgatoire, mais voilà, fondamentalement, voilà où on en est, et donc, il avait dit une vérité par rapport à Hillary Clinton, bien une vérité qui n'était pas haineuse, qui n'était pas méchante, qui n'était pas disproportionnée. On pouvait être d'accord ou pas d'accord à la limite avec lui, mais là, ça a été véritablement l'hystérie. On est dans l'hystérie. Rappelons la vérité, quelle était. Mais qu'elle était très proche de Wall Street, ce qui est une évidence incontestable, hein, facile à prouver, et puis du lobby sioniste de manière évidente également. Ce qui est tout à fait vrai. Ce qui est tout à fait vrai, comme l'était d'ailleurs déjà son mari, mais plus encore. Et c'est tout à fait documenté, bon, et tout à fait, on peut prouver, mais le problème c'est qu'on ne peut pas, dans ce domaine-là, la loi interdit de prouver ce qu'on avance, quoi. C'est-à-dire que ce qui est absolument inouï, c'est que l'offre de vérité, la preuve de ce que l'on avance, avec des arguments, avec des articles, avec des faits, avec des dates, avec bon, toute une série de citations, bon, eh bien, avec des témoignages, eh bien, tout cela ne vaut pas. On n'a pas le droit. Ce qui est une véritable folie quand on y réfléchit. Hein. C'est vraiment le propre du totalitarisme. Et donc, sumusius suba injuria. Et donc, il faut bien mesurer ce que l'on vit. Et donc, forcément, on ne peut pas aborder cette question-là. Et je rappelle encore, moi je l'avais dit d'ailleurs au magistrat, ça ne leur a pas plu, parce qu'après on nous rappelle la Francisque de Mitterrand, mais quand même, je demande quand même qu'on y réfléchisse un peu. C'est quand même, François Mitterrand, avant de quitter l'Élysée, le 17 mai 1995, sont les derniers propos qu'il tient en qualité de président de la République. Certes en privé, mais il sait qu'il s'adresse à l'académicien Jean d'Ormesson, qui est connu pour être volubile, et ne pas tenir secret ce qui lui est dit. Et donc, il sait que ça va être répété et écrit dans un livre. Bon, il lui dit, évoquant la campagne de diffamation à son égard, notamment menée par Klarsfeld et d'autres, tout simplement parce qu'il ne veut pas reconnaître la France coupable pour son attitude pendant l'occupation. Le nœud du problème, il est là, il n'est pas ailleurs. Eh bien, il évoque, évoquant donc cette campagne de diffamation, eh bien, je cite, l'influence puissante et nocive du lobby juif. Tout est dit. Hein, et de la même manière, lorsque le journaliste Jean-Pierre Elkabbach, lors d'un entretien fin 2014, alors que Mitterrand souffre atrocement son cancer en phase terminale, hein, avec métastase osseuse. Bon, eh bien, Mitterrand résiste vaillamment et à un moment donné, il lui dit « Est-ce que vous voulez que je me convertisse ?» hein. Bon, ce qui est quand même une expression très forte. J'ai dû la réécouter plusieurs fois pour me dire « Est-ce qu'il a bien dit ça ?» Et il a bien dit ça. Bon, et donc, je dois dire que Chirac, lui, dès qu'il a été élu, a rampé immédiatement. En fait, il devait, ce que Le Pen avait dit d'ailleurs, il paye sa dette, sa dette électorale à la communauté juive. C'est ce qu'il a fait. Hein, il est allé cracher sur la France, au Veldiv, le 16 juillet 95, après avoir donné de manière scandaleuse la carte d'ancien combattant aux brigades internationales, montrant par là qu'il était resté fidèle au jeune homme qui vendait l'humanité, qui signait l'appel de Stockholm. Voilà, voilà ce que Chirac, là encore, voilà ce que des millions de gens, moi j'en ai connu, j'en ai même eu dans ma famille, hein, qui étaient à la naissance des congrès du RPR en 76, tout ça. Chirac a s'époumonné jusqu'à en perdre la voix et le souffle, hein, qui ont considéré que Chirac, c'était un grand homme de droite, alors que c'était fondamentalement un radical socialiste. Il avait reçu en grande pompe pour le 275e anniversaire de la maçonnerie moderne en France, les maçons faisant un discours dithyrambique à leur égard, etc., à leur endroit. Bon, donc voilà, Chirac, c'est ça, quoi, je veux dire. Et c'est ça que des millions de gens de droite, sincères, patriotes, conservateurs, eh bien, on porte au pinacle pendant des années. Hein, et après, on a eu Sarkozy, maintenant on a Fillon. Quand donc arrêtera-t-on, quoi, je veux dire, de se faire cocufier? On n'est quand même pas obligé d'en redemander à chaque fois. Hein. Il y a un moment donné, quand même, je veux dire, on peut se demander s'il n'y a pas une responsabilité également, quand même, des masses populaires. Et je le dis d'autant plus que moi, ce sont des gens que je côtoie, que je fréquente, encore une fois, qui sont souvent adorables à bien des égards, si vous voulez. Mais je veux dire, cette cécité politique, vous savez, moi, la bêtise en politique, ça donne une idée de l'infini, quoi. Moi, plus j'avance en âge, plus je suis encore confondu, sidéré, et Bobby par le degré de sottise. Chez des gens bien à tous égards dans d'autres domaines. Une minute, on va reprendre, mais pour donner l'heure d'abord, il est 20h48, vous écoutez le libre journal de la liberté surveillée. Je crains que, avec Martin Pelletier et Jérôme Bourbon, qui nous parle en troisième partie de la question de la chasse à la liberté d'expression par la justice française, et en particulier du procès qui est intenté scandaleusement à Henri de Lesquin. Henri de Lesquin qui voulait venir, mais je crois que les plaidoiries et les attaques des combien de parties civiles, des 25, non, des 12, des 10, 9, je ne sais pas, c'est impressionnant, mais... vont l'empêcher de venir, il ne pourra pas se dégager. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre comme suite de cette opération, justement, de cette opération de grand style contre... Parce qu'en fait, il faut bien voir que Henri de Lesquin est visé. Il est visé, il a, comme vous le rappeliez tout à l'heure, il était visé pour des propos tenus sur Twitter, des propos tenus comme particuliers, bien naturellement. Mais il faut bien dire que quand même... il n'a pas du tout engagé la radio et la radio Courtoisie sur cette affaire-là, mais ses adversaires comptent évidemment toucher Radio Courtoisie à travers ce procès, ce qui est totalement évident. Cynique. C'est évident, et d'ailleurs il ne s'en cache pas, puisqu'il a été question, pendant que j'étais là, de Radio Courtoisie. Et moi, ce que je déplore dans cette affaire, je l'ai souvent dit, c'est qu'on a parfaitement le droit de ne pas être d'accord avec les positions d'Henri de Lesquin, ou avec la façon dont il les exprime, ou avec l'opportunité, la question de savoir s'il est opportun ou pas de s'exprimer ainsi, d'aller ou non sur les réseaux sociaux. Ça, je dirais que le débat est libre et chacun peut dire ce qu'il en pense. Ce que j'ai en revanche regretté, moi, dans cette affaire, je l'ai toujours dit, on l'a même écrit dans Rivarol, hein, c'est qu'il me semble que lorsqu'un camarade de combat est attaqué par des officines dites antiracistes et qu'on cherche évidemment à l'éliminer, il ne me paraît pas sain, S-A-I-N, et encore moins sain, S-A-I-N-T, d'aller le poignarder dans le dos. Même si on peut avoir des dissentiments personnels, même si on peut avoir même des différences d'approche stratégique, tactique, ou même parfois de fond, hein, sur un certain nombre de questions. Par exemple, moi je ne suis pas en phase à 100% avec toutes les positions d'Henri de Lesquin, il le sait. Moi par exemple, je ne suis pas en phase avec son éloge de la République, par exemple. Il le sait, on a déjà parlé amicalement. Voilà, moi je pense que c'est une apologie d'une République idéalisée qui serait celle du début de la Troisième République. Je ne peux pas dire que ce soit quelque chose, disons, qui m'enchante ou qui me fait vibrer, qui me fasse vibrer. Quoi. Bon, voilà. Voilà, donc on peut parfois ne pas être d'accord sur tout, mais je dois dire que d'abord il a le mérite de ne pas être double, de ne pas avoir un double discours. Il y a tellement de gens qui sont doubles, triples, etc. Ils disent ce qu'ils pensent, hein, ce qui est quand même tout à fait louable. Et puis je pense que le problème, c'est qu'à force de. Il ne faut jamais modérer... reprendre la dialectique et la rhétorique. Exactement. De l'adversaire. Voilà. Il refuse le vocabulaire de l'ennemi, et ça je crois que c'est très bien. Et puis je crois qu'il refuse aussi toute forme de concession. Qui n'ont pas lieu d'être, parce que l'expérience prouve effectivement qu'on n'obtient rien. Et j'évoquais tout à l'heure l'exemple du Front National, qui a certes progressé en voie et en pourcentage ces dernières années, mais on ne sait pas ce qu'il en adviendra à la présidentielle, hein, car là, les sondages sont plutôt assez médiocres, mais bon, les choses peuvent évoluer. Mais ce que je veux dire, c'est que je crois que c'est une erreur de la direction actuelle du Front National de s'attribuer le mérite exclusif de ces bons scores. C'est l'aggravation de la situation, la prise de conscience un peu plus importante des Français qui ont conduit finalement à l'augmentation de ce vote et le rejet des autres partis, quoi. Et c'est le travail fait par Jean-Marie Le Pen, par toute une série de cadres, de militants pendant des années, notamment en mettant au centre la question de l'immigration, de l'identité, de la défense de la patrie. Et un certain nombre de gens de plus en plus se rendent compte, avec l'arrivée des migrants, avec le grand remplacement qui est en cours, qu'ils avaient raison, qu'ils avaient dit la vérité, etc. Et donc c'est ce qui conduit un certain nombre de gens. Elles bénéficient de manière, sans le mériter nullement, d'une rente d'une situation population parce qu'il y a d'autres gens qui ont labouré pendant des décennies pendant qu'elle s'éclatait dans les discothèques, quoi, je veux dire. Et elle en profite maintenant, quoi, je veux dire, voilà. Mais de manière assez indue, je dois dire, et injuste, bon. Mais c'est ainsi, bon. Mais encore une fois, je veux dire, le passé est le passé. Si vraiment, maintenant, elle avait enfin des convictions, qu'elle prenait les positions qui sont les bonnes. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas, quoi, voilà. Et donc, je pense qu'en tous les cas, la pasteurisation du discours, l'attiédissement des positions, et a fortiori le reniement total, n'est évidemment pas acceptable. Et en plus, bon, finalement, qu'est-ce que ça a apporté, la dédiabolisation, finalement? Moi, je crois qu'un jour, il faudrait quand même s'interroger de manière objective et dépassionnée sur cette question. Qu'est-ce que ça a apporté de positif, voilà. Est-ce que le recrutement de l'encadrement du Front National, est-ce qu'il est meilleur ou moins bon aujourd'hui qu'hier? Est-ce que le programme tel qu'il est développé aujourd'hui, tel qu'on le voit arriver, autrefois, quand même, sur le plan fiscal, c'était un programme quand même de baisse des impôts. Je me rappelle, le coruscant professeur Martinez prenait la suppression de l'impôt sur le revenu en 5 ou 7 ans, la suppression des droits de succession en ligne directe. Aujourd'hui, le Front National veut étendre les impôts à tout le monde. C'est le contraire qu'il veut faire. Il veut étendre l'impôt sur le revenu, je l'ai lu dans le programme, c'est officiel, c'est sur le site, hein, on peut vérifier. Étendre l'impôt sur le revenu à tous les Français, y compris la moitié des Français qui ne le paient pas aujourd'hui. Bon. Il veut augmenter le taux marginal de l'impôt sur le revenu à 46%, alors que déjà, on est un des pays du monde qui a la fiscalité la plus forte et qui, évidemment, décourage l'initiative, décourage l'embauche, décourage le dépassement de soi. Enfin, je veux dire, c'est quand même quelque chose qui est quand même anti-économique et aberrant. Et je pourrais multiplier les exemples un peu dans tous les domaines. Bon. Pas parce qu'on va arriver à la fin. C'est bien dommage. On est très loin, on est reparti très loin de la loi Guesso. J'aurais voulu qu'on parle plus de la loi Guesso, mais nous n'avons plus le temps. Écoutez, il est 20h54, vous écoutiez Radio Courtoisie, le libre journal de la liberté surveillée avec Jérôme Bourbon qui a été très, très, très, très, très convaincant et moi-même Martin Pelletier. Je vous dis bonsoir et à la prochaine fois. Bonsoir chers auditeurs. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de la résistance française, dirigé aujourd'hui par Martin Pelletier, diffusé en direct mercredi 7 décembre 2016 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé jeudi 8, dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, ou réglez avec votre carte bancaire sur radiocourtoisie.fr. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.